fort pour qu'on m'entende. C'est parce que je suis une femme que j'ai souvent des comptes à rendre. C'est parce que je suis une femme que je dois me battre pour défendre ma place. Parce que je suis une femme, je me relève toujours avec autant de classe. La vie m'a appris que je ne suis pas là pour subir. Je sais ce que je veux, c'est pour ça que je garde le sourire. Je sais ce que je veux, donc j'avance droit vers l'avenir. Young ladies, la vie m'a appris que je ne suis pas là pour subir. Je sais ce que je veux, c'est pour ça que je garde le sourire. Je sais ce que je veux, donc j'avance droit vers l'avenir. Young ladies, c'est parce que je suis une femme que j'ai envie de vivre le grand amour. Parce que je suis une femme, que je veux qu'on m'offre des fleurs tous les jours. Parce que je suis une femme, que j'aime quand un homme me fait la cour. C'est parce que je suis une femme, que c'est grâce à moi que la vie voit le jour. La vie m'a appris que je ne suis pas là pour subir. Je sais ce que je veux, c'est pour ça que je garde le sourire. Je sais ce que je veux, donc j'avance droit vers la vie. Je ne suis pas là pour subir. Je sais ce que je veux, c'est pour ça que je garde le sourire. Je sais ce que je veux, donc j'avance droit vers la vie. Young ladies, donner un sens à sa vie, être une femme accomplie. C'est le chemin que j'ai choisi. Laisse-moi te dire qui je suis. Je garde le sourire, je sais ce que je veux, donc j'avance droit vers la vie. Ladies, la vie m'a appris que je ne suis pas là pour subir. Je sais ce que je veux, c'est pour ça que je garde le sourire. Je sais ce que je veux, donc j'avance droit vers la vie. Ladies.